avec des réponses illicites. Voler sans fin, sans limite, vivre vite. Tu vis ici, parmi nous, dans ce pays qui est à bout. Partageons nos envies et nos vies aussi, aujourd'hui. Demain, livre de vie, tu es le témoin du lendemain de la vie, sans limite, vivre vite. Vivre demain, envie que tu quittes, vivre de loin avant qu'on t'acquitte ta peine, sans limite, vivre vite. Vivre de rites avec des réponses illicites.